Nous nous courons. On va voir. On va voir. Oui, le matin. Quand tu es coordonnateur, il dit maintenant. Tu es coordonnateur. Ne vous occupez pas, d'accord? Ce qui mérite juste que papa est au bon endroit. Je ne pleurais pas. Je viens savourer l'amour que mon cœur.